On va aller dans l'ésotérisme. On va étudier ce que l'Université de Montréal ne nous enseigne pas, heureusement. C'est vrai. Tu comprends, Zé? Mm. Fait que respectez-la, votre individualité. Un jour, il va falloir que l'homme comprenne que ce qu'on est, t'es supposé d'être de même. T'es né à Verdun d'une famille d'un mec qui boit pis d'une mère qui putasse. T'es né d'une famille à Westmount, ton père est médecin pis ta mère c'est une grande dame. Tu l'as choisi, ça. Fait que commence à travailler avec ça. Fait que c'est pas parce que t'es né à Verdun, ton père est ta mère putasse, ton père boit, que t'es pas capable de devenir un grand être. Parce que venir au monde à Verdun d'une situation de même, ça va demander une grande transmutation de tes émotions pour réellement éteindre la mémoire de ta race, puis te projeter dans ta propre individualité, faire un grand homme. Il y a des grands hommes qui sont nés des petits patins. Puis il y a des hommes qui sont nés dans des grands patins, qui sont devenus des patins. Fait que, tu sais, il faut que tu te réveilles un jour, il faut que tu te prennes en main, faut que tu réalises que ce que tu es, c'était fait de même. Vous êtes toujours prêts à dire, bon ben, le Dieu nous a fait de même. Bon, vous n'avez pas une conscience occulte de toute la machine en arrière, là. Bon ben, si Dieu t'a fait de même, ben, prends-toi comme Dieu t'a fait, puis tu pars avec ça. Mais c'est pas ça qui arrive. Là, tu commences à te garder à gauche. Lui est jeune, lui fait du patin, lui est beau char, lui est une belle femme, lui il a pas de boutons, moi j'ai des boutons. Fait qu'on passe notre vie à nous comparer aux autres, puis tu te demandes pourquoi est-ce qu'on n'en arrive pas à 20 ans, 30 ans, au moins 30 ans, à rentrer dans notre identité, au moins à 20 ans, on devrait rentrer dans notre identité à 20 ans. Fait qu'on attend 30 ans, 40 ans, 50 ans. 50 ans, tu commences à te garder l'heure. 50 ans. 60 ans, ta montre, ça commence à arrêter. 70 ans, tu les tapes à cause. Puis 80 ans, oublie ça. Et oui, elle marche plus. Fait que la vie, ça devient plat. T'sais? Il y a des deadlines. Il y a des deadlines? Hein? Les deadlines qu'il y a, on se les impose. Ça n'a pas de deadline. Un jour, il va falloir que le monde comprenne que la vieillesse, ça n'existe pas. Va voir un bon vieux, là. Va voir ma mère. Va voir ma mère, là, puis m'en dit, madame Intel, là, vous sentez-vous 81 ans? Elle va dire, non, je me sens comme 55. C'est dans sa tête. L'esprit, c'est pas. L'esprit, c'est pas corporel. L'esprit, c'est d'autre chose. Du moment que t'es pas malade, tu te sens bien, tu fais tes petites marches, c'est comme si c'était normal. Fait que les deadlines, on se les impose, puis on se les impose très, très, très, très jeune. On commence quand on a 7 ans, puis on commence à se comparer aux autres, ainsi de suite. Puis on fait ça toute notre vie, se comparer aux autres. Finalement, là, il arrive là, du monde, là, avec des grandes idées de occultistes, ésotéristes, des roses, quoi, toute la bébête, toute la patente, extraordinaire. Puis là, tu commences à regarder ça. Moi, il y a du monde qui vient dans mes studios, j'ai jamais entendu parler de ça, puis ils se prennent pour des ignorants. Putain, c'est des ingénieurs. C'est des gens qui ont une profession. C'est pas parce que t'as jamais entendu parler de ça que t'es ignorant, c'est que tu n'as pas ton timing. Si t'avais trop entendu parler de ces conneries-là quand t'étais un gars, quand t'étais à l'Université de Montréal, tu serais jamais devenu ingénieur. Fait que t'étais protégé de ces affaires-là pour devenir ingénieur. Si bien plus important que tu sois un ingénieur, c'est de connaître ces affaires-là, parce que du monde qui connaît ces affaires-là, ils sont sur le terrain social. Fait que, c'est, ça va loin à faire. Mais, la façon de parler, quand, si on veut se protéger de quelque chose qui n'a jamais touché, c'est comme si... Je vais te dire quelque chose. Je vais te conter une petite histoire de mes vies. En 69, quand j'ai vécu ma fusion, juste quelques mois avant. Je n'étais pas avancé comme vous autres dans ce temps-là. Tu sais, je faisais pas ça de la recherche. Moi, j'étais à l'école. J'étais un intellectuel. Puis quelques mois avant, il y a quelqu'un qui m'était arrivé à la maison et qui m'avait dit, Bernard Reed, il m'avait montré un livre, qui connaît vous autres dans la population? Steiner. Non, c'était pas un livre de Steiner. Puis, j'avais ouvert le livre, mais je vais vous nommer le livre, ça coûte Novini de Rossi. Il m'avait montré ce livre. Puis j'ai regardé ça un petit peu, j'ai fait ça. C'est-tu que ça a été quoi mon intuition? Parce que moi, je ne savais pas que j'étais pour être fusionné. Moi, j'étais à l'école, comme tout le monde. Puis moi, ma perception quand j'ai lu ce livre-là, qui est très vaste, ça a été que, pour moi, c'est un livre dangereux. Un gars, là, qui n'est pas équipé, là, qui s'élève, qui dit ça trop, là, je trouvais ça pas mal too much. Puis quand même, j'avais un bon cerveau, je serais capable de lire ça. Là. Mais là, ce que ça me faisait vibrer dans mes corps, de gars qui devait être à l'heure, plus tard, être en fusion, là, mais qui ne savent pas ça là-dedans. Fait que ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que dans la vie, faut que tu respectes ta vibration. Mm-hmm. Puis j'avais dit à mon chum, j'ai dit, je vais le garder. Puis c'est ce que j'ai fait avec le livre, je l'ai brûlé. Faut pas que ça tombe dans les mains de quelqu'un. Dans ce bord, pourtant, c'est un grand livre. J'invite du monde même à le lire. Mais dans ce temps-là, je n'étais pas excité pour. J'avais pas une conscience en fait, j'avais pas de contact. Fait qu'avec mon petit intellect philosophique, puis scientifique, là, c'était too much pour moi. Fait que je suis brûlé. Pourquoi? Parce que je suis dans ma vibration. Penses-tu que je suis culpabilisé, puis j'ai dit je peux brûler un beau livre de main? Je me disais, bon, mais j'ai un livre de main qui tombe dans les mains de quelqu'un, là, je me disais, c'est pas si dangereux. Fait que ça veut dire quoi, ça? Que le monde en a les dons à respecter la vibration. Apprenez-nous à la vibrer, votre énergie, comme la Bible, là. Puis arrêtez donc de vous comparer comment c'est les autres, la Bible. Puis là, vous allez commencer à rentrer dans une conscience de plus en plus personnalisée. Puis éventuellement, probablement, avoir une conscience plus forte. Puis après ça, plus être influençable. Puis après ça, réellement connaître la mécanique, puis respecter le monde. Donc, ça voudrait dire qu'une personne se protégée, ce qu'elle a à faire, c'est finalement, c'est protéger son rythme. Dans une recherche ou dans un développement de l'état. Faut que la personne protège son rythme, parce que si vous ne protégez pas votre rythme, vous allez vous mettre sur le rythme d'un autre, puis vous ne pouvez pas faire ça. Il y a des gens qui apprennent lentement, il y a des gens qui apprennent vite, il y a des gens qui apprennent direct, il y a des gens qui apprennent par curve. Les gens apprennent différemment. Moi, j'ai dit à ma fille, you're a slow learner. J'ai fait bien comprendre à ma fille. J'ai dit, t'apprends lentement. Mais une fois que tu l'as appris, forever. Parce que si la petite, elle commence à se comparer avec un autre, qui est un fast learner, elle va commencer à avoir des complexes. J'ai dit tout, t'es un slow learner. On veut toujours se comparer à l'autre, parce qu'on fait ça toute notre vie. Puis nous autres, on est des Canadiens français, on est nés, nous autres. Avec une toile de fromage sur la tête. On est réellement du stock. C'est... Parce qu'imagine-tu quand les Arabes arrivent ici qui ont vécu des guerres, puis les Juifs qui ont vécu des holocaustes, puis les Hindous qui ont des problèmes de population, puis les Anglais qui ont conquis la terre, puis les Américains qui pensent la fin du monde, ils nous arrivent-tu quand ils arrivent ici? Ils disent, c'est donc merveilleux le Québec, je comprends, c'est merveilleux, on est prêts à se faire enlever la laine sur le dos, puis leur donner la laine, la couper pour eux autres! Parce que on n'est pas capable de vivre notre individualité. Tous les étrangers qui arrivent ici, ils disent, vous êtes tellement merveilleux. Ma femme, elle a fait venir des gens de France. Ils sont venus ici à Montréal, on les a traités aux petits oignons, on va y chercher à l'aéroport, on les met dans un motel, on leur donne des chauffeurs privés, on les suit pendant 2 semaines, on les remet d'action, on leur donne leur cachet, puis ensuite ils s'en vont, on les amène à l'action, puis ils s'en vont en France. Nous autres, on va en France, on rencontre du monde en France, puis pas des monde, là, des grands exigeants, puis on est en train de se faire payer une tasse de café, calice. Comprends-tu? On est en train de se faire payer une tasse de café. Tu sais? Ou bien on a le sens de spiritualité. Ils vont nous inviter chez eux, puis ils vont nous inviter chez eux, puis ils vont nous faire une petite tartine. Nous autres, c'est gros beefsteak chez Joe Steakhouse, puis tu sais, le bon québécois. Bon, ça, c'est nos qualités, mais faut pas que ça devienne des défauts. On va dire, je commence à en avoir un bol, là. Parce que si je vais en France, tabarnak, ouvrez-les vos caves de vin, ceci, puis ça nous est bien. Tu veux dire, parce que moi, je vais rentrer dans la cave, puis je vais aller m'en chercher un. Comprends-tu? Je suis pas gêné. Ça va te donner un choc. Moi, dit, Chris, quand t'es venu au Québec, on t'en a donné du vin, on t'en a donné des gros steaks à 6 pouces, hein. Ben, oubliez tes Chris de cave de vin, calice. Calice que j'ai passé dans ta vie. Oh, calice. Ouais. Laissez-moi sacrer, c'est bon. C'est un grand pays, ça. Il y a un seul pays au monde où ça sert. Chris contacté. J'ai dit une Française, j'ai dit, quand vous êtes bien fâché, là, c'est quoi le maximum que vous êtes fâché, là? Comme moi, tabarnak, quand j'ai le beau cul, c'est calice. Elle me dit, au bordel de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Puis tu me dis, qu'est-ce que je vais faire avec bordel de Dieu? Tabarnak de calice. Ben, j'ai dit, je comprends pourquoi je suis au Québec. J'avais besoin d'une langue pour supporter ma vibration. Corde. Moi, ça fait rien, ça crée même. C'est merveilleux. On commence à comprendre ce que c'est une conscience vibratoire. C'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Bordel de Dieu. Merde alors. Tabarnak, tu peux pas changer des formes avec ça. Tu peux pas créer une évolution consciente. Tu peux pas détruire les tu peux pas détruire les femmes qui se tendent la conscience de race. Fait que nous au Québec. Il y en a un Français, il vient ici de temps en temps, là. Pourquoi tu viens ici? Il s'en vient chier de gaz. C'est sa façon de. Il vient se chercher de gaz. Tu comprends? God is the cause. Qu'est-ce qui vous dit des craintes? Je comprends pas que votre cœur me saute pour vous. Je m'en fous une cigarette. Oui. C'est bon pour moi, ça va. Pas bon pour vous autres, moi, c'est bon. Je suis allé voir mon dernier avant hier. J'ai dit, comment ça va, mon idiot, but. Qu'est-ce que t'as besoin d'aller avec les bons? Je crie assez. Tout l'effet que tu me sors. Non. Bon, mais bon. Pas de plus, c'est. Mais, tu sais, ça va loin. Ma connaît un grand fait, c'est. Il y a certainement plus de science au Québec que n'importe où sur la planète, tu sais. Puis, mais seulement que. Faut qu'on fasse attention parce qu'on est vulnérable. On est vulnérable. À quoi? On est vulnérable à la comparaison. On est en train de se former une petite identité nationale. Là. Regarde ce que ça va marcher, ce que ça fait au niveau politique. Mais au niveau individuel, c'est difficile pour nous autres de se former une identité parce qu'on est un peu privilégié. On n'a pas eu de guerre. On n'a pas eu de battre. On n'a pas eu à manger des patates pendant la guerre. On n'a pas eu à manger des rats comme les autres peuples ont eu à faire. Fait qu'on a été privilégié. On n'est pas lié entre le conservatisme européen et le matérialisme américain. On est réellement dans une belle position géopolitique. Mm. Par contre, sur le plan spirituel, sur le plan psychologique, ça nous a affranchi des grandes choses. Ça nous a affranchi de notre puissance. Un jour, on va l'avoir, probablement politiquement. Puis individuellement, il va croire qu'on l'est. Oublie la politique, regarde un individu. Mm. Puis, parce qu'on est un grand peuple, le peuple québécois. Mais on est trop bon, on est trop fin, on est trop si, puis on est naïf. Fait que quand tu commences à dealer avec du bon monde comme nous autres, des Québécois, tu commences à avoir des beaux parleurs comme moi, là, des sectes, tout ça, là, à ce moment-là, on a une crise de problème. Fait que c'est pour ça que je dis en public, du monde comme nous autres, c'est dangereux. Regarde comment ce que je fais. Tu sais, si je vais magnétiser une tête de bois. Fait que si t'es pas dans ton énergie, si t'es pas dans ton identité, si tu cherches pas à protéger, toujours protéger. Me dire une chose. La vie, c'est se protéger pour soi-même. La vie, là, qu'est-ce que c'est la vie? C'est apprendre à se protéger, se protéger. Un homme qui se protège tout le temps, il devient bien intelligent parce qu'il y en a des corners. Okay? Mais on n'est pas seul dans la vie du monde, là. Le rôle de l'individu qui est moindrement conscient, c'est de protéger les individus avec la qualité pour que tu les protèges. Fait que si t'es un beau parleur comme du monde, comme nous autres, faut que tu protèges le monde à qui tu parles. Faut que tu sois conscient des lois de conséquence. Faut que tu aies le respect intégral de l'individu. Fait que pour moi, être un occultiste, un ésotériste, whatever, ou un initié, whatever, c'est la plus grande responsabilité que l'homme peut avoir sur le plan matériel. C'est pourquoi? Parce que là, tu joues plus simplement avec des sentiments, tu joues plus simplement avec des notions, tu joues plus simplement avec de la personnalité, tu joues avec l'esprit de l'homme. Quand tu commences là, à pouvoir modifier subtilement l'esprit d'une personne, c'est une maudite responsabilité. Puis si tu n'es pas capable d'aller à fond dans ta responsabilité, puis t'assurer que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, le gars avec lequel tu as parlé originellement, dans tes hauts registres, ce gars-là, il n'est pas arrivé à être totalement indépendant de toi, totalement dans son individualité. À ce moment-là, je veux dire une chose. C'est bon, c'est nécessaire que des services sociaux, des gouvernements, la police, les systèmes d'information regardent, ou que le monde regarde, qu'est-ce qui se passe dans notre société au niveau de ces gens-là qui parlent. Ça voudrait dire, Bernard, que l'environnement qui nous critique, c'est une perfection. Si, je vais finir ça. Si t'es pas capable de protéger ton monde dans des conférences, dans ces genres d'affaires-là, à ce moment-là, ça va prendre du monde pour le faire. C'est nécessaire. De toute façon, on finit par aller avec des cataclysmes. C'est ça votre question. Ma question, est-ce que c'est bon d'avoir dans notre environnement des gens qui nous critiquent? Pour justement nous protéger ou protéger les gens. Je vais te dire quelque chose. Tu peux pas être intelligent, tu sais. Moi, je vais te compter une chose. Moi, je suis un homme intelligent, je suis un homme bien stable, mais si j'avais pas ma femme dans la vie, pour toujours quand j'ai critiqué, je fais. Tu sais, moi, je suis bien créatif. On dirait que j'ai investi 360 degrés, toutes mes meilleures vibrations, tout m'intéresse. Puis, si j'avais pas ma femme, je dis, prends-y, là, faut que tu sortes. Pas dans pas trop. Si j'avais pas ma femme pour toujours balancer mon énergie créative, je serais un bout de doseur. Je mettrais probablement bien du monde en initiation. Je suis tout marche. Fait que, tu peux pas être intelligent seul. Faut que tu sois intelligent avec un autre. Ta femme, ton partner, tu peux pas. Le plus grand danger d'un homme, pourquoi est-ce que c'est dangereux des dictatures? Parce que c'est des gars qui sont intelligents seuls. Du Stein, la diamine, Hitler, c'est des. Staline, c'est des gens qui sont intelligents seuls. Ça fait pas dans la fête, du gouille. Puis nous autres, on fait la même chose. On ne dugouille pas le monde. Mais ce qui arrive, c'est qu'on se dit, laisse-moi en faire. C'est mes affaires. C'est moi qui ai raison. Fait qu'on ne participe pas à l'échange. Ça, c'est très dangereux. Quand tu n'es pas capable d'écouter quelqu'un qui est techniquement en opposition créative avec toi, à ce moment-là, c'est un gros problème. C'est un gros, gros, gros problème. Parce que là, tu penses que tu es intelligent et tu te fais traiter. Parce que, surtout quand tu as une conscience occulte, tu sais, quand tu as une conscience, surtout quand tu as une conscience bien occulte comme moi, là, tu travailles réellement directement avec le plan mental et dans une institution, là. Si tu n'as pas. Si tu n'es pas capable de dealer avec l'être humain, avec l'individu, sais-tu que c'est que tu finis? C'est fini. C'est un mariage à trois. Tu as des forces, ta source, tu as toi, ton ego, plus ou moins transparent, puis tu as l'autre personne. Puis éventuellement, ces forces-là sont capables de casser ton lien avec l'homme. Puis un jour, l'homme va comprendre que les forces occultes, c'est l'infrastructure psychique de son moi au niveau cosmique. Ça, dans la matière, il faut que ce soit balancé entre lui et l'âme. C'est ça. C'est pour ça que dans l'évolution, on est allé nulle part au niveau de la conscience. Parce qu'on a toujours, on a spiritualisé notre lien avec l'invisible. Mais on n'a jamais établi un lien avec l'âme. Fait que l'invisible nous a astralisé, puis nous a astralisé, puis nous a astralisé, puis aujourd'hui, on se trouve ce qu'on est, on n'a pas de conscience d'être de soi. On n'est pas dans notre personne, on n'a pas d'identité, on n'a pas de centricité, pourquoi? Parce qu'on est astralisable. Fait qu'un être humain qui est moindrement intelligent, pour moi c'est une mesure, un être humain qui est moindrement intelligent, faut qu'il soit capable d'être mis en check. Ça prend un système de check and balance. Pourquoi est-ce que la constitution américaine est si grande et si puissante? Parce qu'il y a un système de check and balance. Ça prend un check and balance. Puis nous autres, on veut pas être checké. On veut pas. On veut être intelligent. Pourquoi? Parce qu'on a de l'insécurité, on a de l'infériorité. C'est très grave d'avoir un complexe d'infériorité. Parce que si moindrement on a un petit peu d'orgueil, on veut neutraliser notre infériorité par notre orgueil, c'est là qu'on s'apprend. On a besoin des autres autour de nous autres. On a besoin des autres reflets pour nous faire voir peut-être un faille dans notre reflet. Puis là, on dit, merci, je ne l'avais pas vu, là, je le vois. L'autre, merci, je ne l'avais pas vu, là, je le vois. Si on n'a pas ça, un homme qui n'est pas capable de se faire une remarque par un autre être humain qui est intelligent, qui est sensible, qui est perceptif, un homme qui n'est pas capable de subir ça d'une façon gracieuse, c'est un homme qui, pour moi, est déjà en potentiel perdu dans le temps.

des gens qui ne nous menacent pas, des gens qui ne pourront pas rentrer dans notre territoire. Ça, on le suspect. Puis, lentement, sans qu'on s'en rende compte, malgré notre volonté, on s'astralise. On les englobe, on les englobe. Quand est-ce que l'homme s'occupe réellement de protéger l'homme en affaires? Quand est-ce qu'en affaires, un bonhomme d'affaires, là, tu sais, t'imagines un bonhomme d'affaires, là, dans le sens de réellement, là, conscient, un bonhomme d'affaires, il ferait des affaires d'or. Pourquoi? Parce qu'il protégerait les gens avec lesquels il fait l'affaire. Il vend des services, il appelle la gueule, il dit, es-tu bon char que je t'ai vendu, là? Il est à l'ordre de char. Moi, j'ai vendu un char à quelqu'un en province à Québec, là, il y a 6-7 mois, là. Puis j'ai dit, bon, ben, je vais te vendre mon char, là, puis attends que tu sois bien en ordre, mon char. Je ne vais pas te vendre un char pour que tu sois obligé d'aller au garage, là, mais. Puis quand je te vois, comment est-ce qu'il est ton char? Il est-tu correct, le char? C'est ça de la conscience, c'est ça du respect pour l'homme. Si on faisait la même chose en affaires, si on faisait la même chose dans les sciences, surtout ésotériques, à ce moment-là, il n'y a pas de problème, mais c'est pas ça qu'on fait. On perd la notion. On perd la notion de protéger l'homme. On réalise pas qu'on doit protéger l'homme toujours contre notre propre finalité. C'est pour ça que ça arrive, des choses comme ça. C'est notre responsabilité de protéger l'individu. On est amené à protéger nos enfants. C'est-à-dire que le problème de respect, d'ailleurs, ça n'a pas été suffisamment exploré, ça, au niveau psychologique. Enfin, je parle de la psychologie profane. Ça n'a pas été suffisamment exploré, ça, la phénoménologie de la protection de l'autre. On devrait écrire un discours, un grand livre d'effet, sur l'importance capitale de protéger l'autre. Qu'on dirait le frère, l'être humain, le protéger comme nos propres frères. Parce que d'abord reconnaître nos frères. Le connaître, c'est que d'abord, puis tu me dis, bon, ben, moi, je suis venu à Montréal, Christ, tu vas pas m'enseigner lequel, papa. Je fais la partie, la minute. Si t'es pas capable d'arriver à moi et de dire, hey, ça, c'est pas exactement ça, ça fait ça. C'est à moi de le prouver de façon consciente, créative, que toi, tu le comprennes de façon consciente, créative, à partir de ton propre rayon, tu vois. C'est le même. Mais là, ben, de te l'imposer, c'est dictature. Fait que là, c'est dangereux. Fait que c'est là que je dis que du monde comme moi, ça devient dangereux. C'est pour ça qu'on protège pas notre monde. C'est pour ça que ça arrive, des situations de même. Votre lumière, vous l'avez souvent exprimé comme étant une dictature sur votre personne. Vous avez eu à casser cette dictature-là un jour dans votre vie. Vous aviez à vous protéger comment? Comment ça s'est passé, le mécanisme qui a fait que vous... Que je l'ai cassé? Ouais. En réalisant que l'amour que j'avais pour ma femme était plus important que l'amour que j'avais pour les forces occultes. OK. Tu sais, quand tu es en communication avec l'invisible, c'est fondamental de cette histoire. Puis un jour, plus que je réalise, que je dis, OK, c'est assez, là, puis j'ai fait un contrat avec l'autre, puis je dis, jamais ma femme ne souffrira initiativement avec moi. Ma grande soeur, là, que je vous ai cassé, là, le mouvement vertical, pour que ce soit horizontalisé. Parce que c'est ma femme qui vient en premier dans ma vie, c'est le temps matériel. C'est plus vous autres. Puis on dit, c'est ça, c'est l'actitude. Ils vont pas se dire avant. C'est initié. Suis des tests. Les samouraïs vivent des tests. Suis des tests. Fait que si t'as passé du lien pour l'avoir été fait à l'heure. Fait que rendu dans ces registres-là, laisse-moi dire que c'est pas évident. Fait qu'on le sait à cette heure. On connaît l'existence du mensonge que c'est. C'est descendu, ce science-là. C'est à nous autres de nous protéger. C'est à nous autres de le vivre, le système de check and balance. C'est à nous autres d'être capables de pouvoir nous faire mettre en échec par une autre intelligence pour voir le reflet dans l'autre, pour que nous autres, on puisse ajuster notre propre reflet. À ce moment-là, ben, on essaye. Fait que tu peux étendre ça de 2 personnes à 4, à 10, à 20, à 30. C'est toujours simple. Pourquoi? Parce que t'as plus la vanité d'esprit. T'es plus possédé par ton esprit. T'es plus possédé par ta lumière. Les gens qui pensent que la possession, c'est incastral. Les gens qui pensent que la possession, ça paraît parce qu'il n'est pas satanique, sont dans l'illusion. C'est pas les forces sataniques qui sont capables de posséder les hommes. Même les forces de bien sont capables de posséder les hommes. Si un jour, c'est son rôle à l'homme de casser ça. La seule différence, c'est que si tu es avec les forces sataniques, tu ne pourras jamais le faire parce que ta vibration est passée haute. Tandis que si tu es possédé par les forces de ta lumière, c'est déjà ta lumière. Et un jour, le courant qui vient d'Hydro-Québec, dans ta maison pour que ce soit toi qui sois capable de contrôler ta switch. C'est ça, l'intégration d'énergie. C'est ça qui va être toujours pour l'homme de l'avenir à faire. Mais là, je vous écoute parler, on a fait à la fois casser une dictature par l'amour qu'on a pour quelqu'un. Pour casser une dictature, si tu aimes l'homme, tu peux casser la dictature occulte des bosses. C'est un initié. Mm-hmm. Si tu aimes l'homme, tu es capable de casser la dictature politique. Un dictateur, là, qui se réveille un jour, qui rencontre le pape, qui se fait rentrer un peu de lien, qui s'en retourne dans son pays, qui s'en met un peu de plomb dans la tête, qui s'en retourne dans son pays, qui regarde le petit bout, qui a eu des abus, qui a eu des meurtres, qui a eu ci, là, qui se retourne d'abord, puis qui a eu la générosité, puis l'unité, et bon ben, là, j'ai fait des erreurs, là, je vais redonner à mon peuple ce que j'ai enlevé, il deviendra un grand président. Le peuple aurait la capacité de résorber son inconscient, puis donner un pas de confiance, puis deviendrait un grand homme. Quand on dit que Paul a péché, que des grands hommes ont péché, Pierre a péché, fait qu'on a tous péché. Seulement qu'à un certain moment donné, même si on a péché un jour, il faut qu'on arrête. Puis pour des gens qui sont dans l'occulte, péché. Ça, c'est moi qui vous le dis. Mm-hmm. Pécher, quand t'es dans le cul, c'est ne pas protéger par l'amour. Ben, si tu protèges pas ta femme, ton chum, tes amis avec lesquels t'es en relation de travail occulte, à ce moment-là, en ce qui te concerne, tu pèches en esprit. C'est-à-dire que tu empêches ton esprit de descendre de la matérielle et d'animer les autres, parce que ton esprit est déjà dissipé par la vanité, par l'orgueil, par la naïveté, par ignorance. Puis à ce que le mensonge cosmique est connu, à ce que les initiés sur la terre savent, même si tout le monde ne sait pas, c'est écrit, c'est descendu, ça a été dit, que le mensonge cosmique existe, que la relation entre l'homme et les sphères, que le mensonge existe entre l'homme et les sphères, que le mensonge astral existe, que le mensonge cosmique existe, c'est le rôle de l'homme de casser ça pour rentrer finalement dans l'intégralité de sa lumière. Une fois que c'est dit, que la loi est établie, qu'elle est écrite sur les murs, c'est l'homme qui s'en va en évolution de conscience, qui commence à pratiquer dans la stratosphère de l'esprit, de faire belle attention, puis de regarder l'homme autour de lui, puis de protéger l'homme, puis de protéger l'homme. Puis un initié, ce que j'appelle un initié, c'est un homme qui travaille dans des registres subtils d'une conscience vibratoire. Sa responsabilité sur la terre, c'est pas de donner de la connaissance occulte à l'homme, c'est pas de révéler à l'homme les mystères d'abord, les mystères des planètes, les mystères de ci, les mystères de ça, c'est de protéger l'homme d'abord. Parce que si tu protèges l'homme, tu vas l'amener éventuellement à reprendre le contrôle de son rayon. Tu vas amener l'homme à réaliser qui est intelligent, qui est allié, elle va grandir, la force en lui va grandir, il n'y aura pas besoin de subir même des possessions d'énergie vibratoire à des niveaux que toi et des légumes à bénéficier, puis là, on va commencer à se rendre compte qu'il est intelligent. Tu vas commencer à bénéficier de son intelligence. Fait qu'il va s'établir un équilibre entre toi et l'homme. Mais on a l'illusion, nous autres, là, que les gens qui sont en relation avec nous autres, faut qu'ils soient comme nous autres, pour pouvoir participer comme nous autres à une conscience universelle. C'est une illusion. La conscience universelle n'a rien à voir avec les régimes vibratoires de la conscience individualisée. Moi, ma femme, quand elle me parle, c'est social. C'est dedans que ma femme ne peut pas venir ici pour me parler comme je parle. Elle n'a pas le tour de le voir. Mais elle a l'intelligence, la lumière, pour être en harmonie vibratoire au niveau universel avec ma conscience, la sienne ou celle des gens avec lesquels elle est. C'est ça que l'homme doit comprendre. On est tous uniques. Ma femme ne peut pas être comme moi, c'est ça comme moi après ça. Probablement, elle serait un corps d'homme, ça. Fait que moi, je serais un corps de femme, là. Fait qu'on a chacun notre rôle. On est tous uniques, il faut qu'on respecte notre rôle. Mais si on n'est pas capable, nous autres, en tant qu'initiés, de réellement respecter nos maris, nos femmes, nos enfants, surtout les gens qui viennent en contact social avec nous autres, pour apprendre des choses, parce qu'on a des choses à dire, à ce moment-là, une très grande responsabilité,